Chapitre 2e. La matinée était délicieuse. Le mois de mai commençait. À la villa del Giglio, le printemps éclatait magnifiquement. Il faisait frais encore, mais le ciel était déjà d'un bleu intense. À l'horizon seulement, quelques minces et longs nuages blancs s'étalaient, bordés en dessous d'une ligne rose. Le vert tout nouveau des arbres clairsemés devenait sombre dans l'épaisseur des taillis. Une lumière douce et égale faisait ressortir les moindres détails de l'admirable paysage florentin où le regard ne trouvait que des beautés et pas de limites. Dans le jardin, tout s'épanouissait, et le parterre de fleurs que terminait une vaste terrasse en marbre blanc était couvert de roses. D'une des fenêtres du premier étage, Massimo, caché derrière une jalousie entrebâillée, regardait une allée latérale où Elisa, en robe de chambre blanche, se promenait pensive. Massimo l'observait. Il était pâle, et on aurait pu voir sur sa figure ces contractions involontaires que produit la souffrance refoulée au fond du cœur. Il étudiait la physionomie de sa femme, dont il voyait en plein le visage, et ce que sa démarche pouvait trahir avec la fixité de regard du savant qui veut arracher un nouveau secret à la nature. Il était là depuis plus d'une heure, sans s'apercevoir de la marche du temps. De son côté, Elisa ne se savait pas observer. Sur sa figure, on lisait l'expression d'une de ces tristesses auxquelles on s'abandonne dans la solitude avec une amère volupté, mais qu'on ne montre à personne. Sa pose abandonnée, sa démarche lente et incertaine, un geste qui lui échappait parfois, tout montrait qu'elle se croyait bien seule. Trois fois de suite, Massimo fit un mouvement comme pour quitter la fenêtre où il s'accoudait et descendre au jardin, mais trois fois, il changea d'idée et reprit son immobilité. Il réfléchissait et il rêvait. Il pensait à tout ce qui s'était passé depuis son retour, à la conquête de sa femme, que la veille encore il croyait accomplie et dont il doutait maintenant, sans qu'aucun événement important fût arrivé pour changer la situation, à ses espérances d'avenir heureux qui s'étaient évanouies devant un regard involontaire d'Elisa. Depuis un mois, la lune de miel s'est élevée pour lui à l'horizon avec presque 3 ans de mariage. D'abord incrédule à son bonheur tout en le goûtant, il avait dû finir par y croire. De jour en jour, il l'avait senti devenir plus réel, plus possible. D'heure en heure, le sourire d'Elisa lui avait paru plus sincère. Cependant, il avait connu les cruelles alternatives du doute et de la certitude, et depuis la veille, tous les soupçons déjà anciens avaient su de nouveau et plus douloureusement que jamais pénétré dans son cœur et le ronger. Qu'était-il donc arrivé? Presque rien. La veille, il était allé à Florence pour affaires, très ennuyé de devoir y rester 2 jours. Jamais Elisa ne lui avait paru aussi adorable qu'en la quittant, et en ville, il la revoyait toujours, debout sur le perron, en robe claire, d'une main appuyée à la balustrade massive, et de l'autre lui envoyant un baiser, tandis que la voiture s'éloignait. Par un concours de circonstances inespérées, il put en quelques heures voir toutes les personnes à qui il devait parler et faire tout ce qu'il avait à faire. Heureux comme un écolier qui trouve l'école fermée, il était revenu le soir même à la villa. Mais en route, certains fâcheux pressentiments qui parfois l'avaient obsédé dans la journée le tracassèrent et devinrent insupportables. Plusieurs détails lui revenaient à la mémoire qui le troublaient. Un mot, une attitude d'Elisa, un regard surpris, une réponse, certes innocente, mais qui l'avait blessé. Sa froideur momentanée, ses mélancolies renaissantes. Et le démon du doute s'était emparé de lui. Toutes les craintes qu'il avait assaillies les jours précédents firent de lui leur proie. Devenu nerveux à l'excès, comme on l'est toujours quand on entre dans une nouvelle phase de vie. Il se montait la tête facilement, voulant se nier à lui-même sa souffrance, mais étant en réalité dans un de ses pires quarts d'heure, ce fut dans une très mauvaise disposition d'esprit et dans un état presque morbide que, sans se faire annoncer, il entra sur la pointe des pieds dans le boudoir à tapisserie chinoise où Elisa se tenait le soir. Elle y était, en effet, seule, immobile, désœuvrée, assise sur une chaise devant une grande table où elle s'accoudait, des deux mains se soutenant le menton et regardant fixement les dessins de l'abat-jour posés sur la lampe. Massimo, au lieu d'aller jusqu'à elle sans bruit pour la surprendre comme il en avait l'intention, s'était arrêté sur le seuil, n'osant plus avancer. Ce que ses yeux, trop habitués à lire sur le front des femmes, trouvèrent sur le visage d'Elisa, si tristement absorbé dans la solitude, lui causa une poignante douleur. Sa mémoire évoqua le souvenir de son attitude désespérée lorsqu'il l'avait surprise tout en pleurs dans le boudoir du fond à la villa Arumbelli. Elle ne pleurait pas maintenant, mais son regard était le même, et la rigidité de sa pose pouvait trahir un effort aussi pénible que l'angoisse qu'il avait autrefois jetée sanglotante sur ce canapé où elle s'était couchée à bout de force. Cette fois, elle ne bougeait pas plus que si elle eût été de marbre, et pendant un temps dont Massimo n'aurait pu préciser la durée, il resta, retenant son souffle, à la regarder. Alors il sentit tous ses pressentiments se vérifier, et il lui apparut clairement qu'il s'était trompé en croyant être aimé. Toutes les méfiances envers lui-même dont il avait été parfois vainqueur lui revinrent, et nerveusement affecté, il se sentit envahir par une douleur presque physique et par la certitude qu'il serait malheureux toujours. Voilà tout. Il fallait que Massimo fût bien changé pour se laisser si fortement troubler par si peu. Mais c'est qu'il avait presque réalisé son rêve, sans pouvoir croire à son bonheur, et que le moindre événement suffisait pour le replonger dans le scepticisme. Il savait d'ailleurs qu'aucune parole ne peut être aussi sincère que le regard d'une personne qui se croit seule. Le caprice violent que tout à coup il avait ressenti pour Elisa, ce caprice, né une nuit de bal et auquel il avait inutilement essayé de résister, s'était peu à peu changé en amour. Lorsqu'il s'était absenté avant d'écrire la lettre qui avait tant troublé Elisa, il avait senti confusément qu'au désir qui le poussait vers celle qu'on appelait depuis longtemps sa femme, se mêlait déjà un sentiment plus profond. On ne s'en étonnera pas, car il ne faut pas l'oublier, cette femme, dont la nouvelle beauté l'avait ébloui quand il ne s'y attendait pas, il l'aimait déjà d'une affection fraternelle, et de ce mélange du désir inconscient et d'une amitié sincère, que pouvait-il naître, sinon l'amour, qui est la tendresse de l'âme unie au trouble des sens? Cette timidité qui s'était emparée de lui devant Elisa, dès qu'il l'avait vue sous son nouvel aspect, ne l'avait pas tout à fait abandonnée. Quand, rappelé, il était arrivé à la Villa del Giglio, où, d'après sa prière, Elisa était allée l'attendre, il affectait envers lui-même un aplomb tranquille qu'il ne possédait plus. Cependant, il retrouva toute sa force. Il sentit qu'une seule maladresse, que la moindre faute, pouvait perdre la partie, et il retrouva bientôt sa sûreté de coup d'œil, toute sa science et tout son charme. Si, pour conquérir peu à peu le cœur d'une femme, pour allumer en elle une flamme qui ne puisse s'éteindre que par notre faute, et pour la conserver toujours vive, il ne suffit pas d'être beau et très intelligent. S'il faut pour cela savoir tout ce qu'on ne peut apprendre dans aucun livre, si en un mot l'amour est un art, Massimo fut artiste autant qu'on peut l'être. Il avait beaucoup d'expérience, mais il eut assez de génie pour comprendre tout de suite qu'il ne fallait pas s'en servir, que son expérience le ferait échouer ou le dérouterait, et il fut fort au point d'oublier ce qu'il savait et de deviner tout ce qu'il ne savait pas. Elisa ne ressemblait à aucune des femmes qu'il avait connues. Là était son charme, là aussi était l'obstacle. Il commença par lui faire presque timidement la cour, et il eut toutes les délicatesses que son tact lui suggérait. Mais il fut parfait non seulement à cause de son flair exquis et de son élégance innée, mais aussi, disons-le, par prudence. Il s'avançait avec mille précautions, comme un explorateur en pays inconnu. Il avait des timidités d'écolier et des doutes de vieillard. Son regard disait ce qu'il voulait lui faire dire, son visage paraissait comme toujours du marbre animé, mais un trouble se cachait au fond de son âme. Il connaissait les femmes, il en avait au moins connu un grand nombre. Il en était arrivé non pas à ne plus croire à rien, mais à croire à tout, c'est-à-dire qu'il les croyait capables de tous les vices, de toutes les scélératesses, de toutes les abjections, mais aussi des dévouements les plus complets et des plus grands sacrifices. Il avait entrevu cette vérité que presque toutes ont un jour de désintéressement absolu où elles se donnent sans arrière-pensée et en oubliant tout, tandis qu'il est rare qu'un homme ne calcule pas, même en pleine passion. Cependant, tout en les estimant susceptibles de tout deviner par les sensations, il les croyait inférieurs intellectuellement et incapables de jamais comprendre une idée abstraite. Il avait connu des femmes vertueuses par dévotion, par orgueil ou par un sentiment élevé du devoir. De grandes dames sacrifiant tout à un homme indigne et trop fier pour regretter leur sacrifice, des jeunes filles qui étaient mortes sans livrer le secret de leur cœur, des artistes passionnés pour leur art et qui y renonçaient cependant par amour, des courtisanes qui, après s'être roulées dans toutes les fanges, avaient eu leur jour d'héroïsme. Toujours il avait rencontré des natures imparfaites, illogiques, impétueuses dans le bien et dans le mal, cédant le plus souvent à une impulsion inconsciente. Dans toutes, il avait trouvé un côté mystérieux, et là, il s'était arrêté, trop insouciant pour essayer d'approfondir. Mais pour lui, les femmes se divisaient surtout en deux grandes catégories, les sages et les folles. Il avait vu de vraies jeunes filles, et leur innocence lui avait quelquefois semblé charmante, et souvent, il s'était senti plein de respect devant des femmes dont il avait été forcé d'admirer la vertu. Les autres, les passionnées, les chercheuses, les corrompues, il les avait toutes aimées à sa manière. De sa liaison avec Lady Jane S., qu'il avait enlevée, comme nous avons dit, il avait gardé longuement le souvenir, car elle était tellement femme, qu'il y avait en elle un peu de toutes les femmes, bien qu'elle fût en même temps unique dans son genre. Et il se rappelait la duchesse de Monteverde, une vraie Italienne, dans le sens que les étrangers attachent à ce mot, et dont mieux que personne, il avait pu apprécier la beauté merveilleuse, car le premier, il dompta cet indomptable, et vingt autres, dont l'amour différait autant que les figures, et dont les chevelures brunes, blondes ou fauves, les regards ardents ou profonds, racontaient pour chacune une histoire nouvelle. Mais jamais il n'avait rencontré une femme qui, comme Elisa, eût aimé vraiment et simplement, et qui, incapable d'oubli, fût restée sans effort fidèle à un absent perdu pour toujours. Une femme douée en même temps d'un souverain bon sens, d'une justesse de vue étonnante, d'une faculté merveilleuse pour deviner tout ce qu'elle ne pouvait comprendre, vertueuse naturellement plutôt que par principe, marchant toujours dans la ligne qu'elle s'était tracée, tout en n'ayant pas le moindre préjugé, inflexible sans rigidité, et sans que ni l'orgueil, ni une foi profonde, ni les craintes mondaines fussent les causes de sa vertu. Incapable d'erreur et indulgente pour les autres, une femme pure sans être innocente, ne croyant à aucune convention et ayant douté des lois sociales, mais allant toujours où sa conscience la conduisait, intelligente et pleine d'esprit, sans que jamais la tête pût démentir le cœur. Et le doute lui était venu alors que peut-être, en fait de femme, il ne savait rien, et fort peu en fait d'amour. Et il avait été heureux, ravi et presque peureux de son succès, car Elisa l'avait rappelé, car elle était à lui, et se montrait plus aimante qu'il ne l'avait pu espérer. Mais après l'avoir surprise dans la méditation douloureuse de la veille, et avoir longuement étudié sa physionomie réelle sans être vue, une lumière s'était faite tout à coup pour lui, et il avait compris qu'elle l'aimait par devoir, par reconnaissance, mais qu'en l'aimant, elle accomplissait un sacrifice. En bas, dans le jardin, Elisa était aussi plongée dans ses réflexions. Elle avait appris que Massimo était revenu la veille vers 10 heures du soir, et qu'il s'était retiré sans se montrer. Bien qu'habituée à ses petites excentricités, elle en était inquiète et se perdait en conjectures. Elle n'avait pas voulu interroger les domestiques, et après une mauvaise nuit, elle était descendue de bonne heure au jardin. L'inquiétude présente lui faisait presque oublier sa triste rêverie de la veille, qui n'avait été autre chose qu'un de ses retours vers le passé mort qui, depuis le grand changement survenu dans sa vie, l'avait souvent assaillie et qu'elle combattait de toutes ses forces. Pendant les 3 jours de lutte intérieure, après avoir reçu la lettre de Massimo, elle avait cru avoir donné à son passé ses dernières pensées. Mais depuis qu'elle était entrée dans une nouvelle vie, événement étrange auquel il fallait se soumettre, mais qui lui semblait encore parfois presque incroyable, tout en sentant qu'elle voulait aimer Massimo et qu'elle y réussirait, elle avait de temps en temps des révoltes qu'elle ne pouvait maîtriser. Et cependant, malgré tout, combien, en y réfléchissant, elle s'applaudissait de sa décision, car elle voyait que Massimo l'aimait, et reconnaissant lui des qualités nouvelles, elle sentait qu'elle se devait à lui. C'est précisément ce que j'admire en elle qui fait qu'elle ne peut m'aimer. Elle appartient tout entière à ses souvenirs, et elle n'est à moi que par devoir. Comment puis-je, moi, dont la vie déréglée l'a choquée, pour qui elle a plus d'affection peut-être que d'estime, comment puis-je espérer de lui faire oublier l'amour de toute sa vie, puisque le temps n'a pu lui apporter l'oubli, ni le monde la distraire ? Ainsi se disait Massimo, et à travers la jalousie entrebâillée, les pensées qu'il croyait lire sur le visage de sa femme confirmaient ses craintes. Il descendit enfin et s'approcha d'elle. Elisa sourit en le voyant, vint à sa rencontre et lui demanda, non sans un certain embarras, pourquoi il ne s'était pas montré la veille. « J'étais fatigué, » répondit-il. Elle se retourna vers lui d'un air incrédule et dit doucement, « Vous m'avez fait de la peine, et j'en étais un peu inquiète, d'autant plus que je sais que vous êtes rentré au salon. Tant mieux s'il n'y avait pas d'autre raison que la fatigue, mais je ne le crois pas, et vous auriez bien tort de ne pas tout me dire. » Après avoir gardé le silence pendant quelques minutes, Massimo dit brusquement, « Voulez-vous vraiment le savoir ?»« Oui, je le veux. »« Eh bien, c'est parce que je vous ai observé à votre insu de la porte du salon, et que séparés comme nous l'étions d'une dizaine de pas, vos pensées étaient cependant si loin que je n'aurais pu franchir la distance pour arriver jusqu'à vous. » Elle le regarda, étonnée, mais subitement elle comprit tout. Ainsi que par une nuit noire, un paysage se révèle à nos yeux en une seconde à la lueur d'un éclair. « Écoutez, Elisa, » poursuivit-il, « je n'ai pas dormi un instant après vous avoir vu hier et j'ai beaucoup réfléchi. Eh bien, savez-vous en un mot le résultat de mes réflexions ? C'est que j'ai eu tort de revenir et de ne pas accepter d'aller en Amérique. » Elisa lui prit les deux mains et s'écria, « Je vous jure que vous avez tort de le penser. » Il baisa les mains qui étaient dans les siennes et lui dit « Merci. » Et dut s'arrêter car le ton dont elle avait prononcé ces quelques mots l'avait touché et déjà troublé. Cependant, il reprit « Oui, je le sais, vous voulez m'aimer. Mais n'est-ce pas seulement par une idée de devoir ? N'auriez-vous pas été plus heureuse, plus calme au moins, si j'avais continué à n'avoir pour vous qu'une simple amitié ? N'aurais-je pas mieux fait de vous cacher mes nouveaux sentiments. Maintenant, comme quand je vous ai proposé le mariage chez ma tante, ne préférez-vous pas la paix, la solitude à tout ? Massimo. Et pour moi, n'eût-il pas mieux valu que j'eusse tué mon amour avant qu'il ne grandît ? Toutefois, je souffrirai, mais nous sommes encore à temps, je partirai. Quand je pourrai vous revoir encore comme une sœur, je reviendrai. Massimo, laissez-moi parler. Une seule question d'abord. N'ai-je pas le droit de prétendre que vous me croyez ? Oui. Pouvez-vous douter une seule minute de ma sincérité ? Non, car j'ai toujours été absolument sincère. Eh bien, croyez-vous que maintenant, si vous partiez, je pourrais m'en consoler ? Vous qui avez été si bon, qui avez compris si bien toutes mes timidités, qui avez su me rendre la tâche si facile, en respectant même mes enfantillages, ne comprenez-vous pas que si j'ai voulu vous aimer, comme vous dites, je l'ai voulu réellement, et c'est maintenant que tu parles de partir. Maintenant que je commence à t'aimer. » Massimo, bien que se répétant lui-même tout ce qu'il s'était dit pendant la nuit, sentait déjà, en écoutant ses simples paroles, ses craintes se dissiper, se fondre pour ainsi dire en lui, et cependant, des détails lui revenaient à la mémoire, insignifiants, mais qui le faisaient souffrir. Il se rappelait l'avoir parfois encore choqué sans le vouloir, et avoir vu ses yeux profonds fixer sur lui leur regard surpris à une phrase qui lui était échappée. Oh, comme il regrettait maintenant de l'avoir traité autrefois en camarade, comme il eût voulu reprendre les confidences qu'il lui avait faites dans des moments de gaieté causante, ne pas lui avoir raconté certaines anecdotes de sa vie que parfois, après dîner, il avait débité comme il le fait entre amis au cabaret. Ils eurent ensemble une longue explication, et le soir, dans ce même salon, dont la veille Massimo n'avait pas voulu franchir le seuil, il sentit, quoique mêlé encore à quelques vagues doutes qui se dissiperaient bientôt, ce calme spécial qui suit les épreuves finies et qui ressemble à la langoureuse volupté de la convalescence. Oh, si par moments il n'était pas encore tout à fait sûr qu'il eût raison de ne plus jamais songer à partir, il sentait bien en même temps qu'il ne le pouvait pas. Et comment eût-il pu résister au sourire d'Élisa, où il voyait poindre tout ce qu'il n'avait pas osé espérer? Comment n'eût-il pas été touché par sa voix, qui contenait des suavités nouvelles? Comment ne se serait-il pas abandonné lâchement au charme de cette intimité, où les moindres paroles prenaient une valeur énorme, comme si on les prononçait pour la première fois, où les silences étaient si doux? Il la contemplait, couchée sur un canapé bas couvert d'un cachemire à dessins éclatants, sur lequel tranchait sa robe étroite d'un gris pâle presque argenté. Il regardait parfois à côté de lui ses pieds mignons, mignonnement chaussés, puis son œil suivait les lignes pures que la robe dessinait pour s'arrêter à ce visage si connu et si nouveau, où il rencontrait des yeux bleus dont le regard profond se croisait avec le sien. Et il y trouvait une mélancolie infinie, mais aussi une clarté nouvelle. Par la fenêtre ouverte, on voyait les massifs dessinés en noir dans le clair de lune et le ciel tout parsemé d'étoiles. Nous avons voulu raconter cet épisode de la vie des deux nouveaux mariés, car il fut le dernier de ce genre. Élisa, pendant la scène du jardin, avait de suite senti non seulement qu'elle avait mal joué son rôle, mais aussi qu'elle n'avait pas fait un effort assez sincère pour accomplir ce qu'elle s'était promis à elle-même, pour refouler ses tristesses dans les replis les plus cachés de son cœur et pour aimer son mari. Et comme nous venons de le voir, elle avait su le rassurer par quelques mots que le danger lui avait inspirés. Puis, d'heure en heure, elle s'y prit mieux et elle réussit. Elle voyait le changement qui s'accomplissait en lui. Elle était touchée des efforts qu'il faisait pour lui plaire, pour la deviner, pour se modifier. Les côtés les plus nobles de la nature de Massimo s'éclairaient maintenant à ses yeux. Elle commençait à le comprendre, à l'estimer, à l'admirer parfois. Il avait su peu à peu gagner sa confiance, faire disparaître toutes les anciennes préventions. Elle l'aimait déjà un peu et se sentait à la veille de l'aimer plus encore. Non pas de cet amour qu'on ne peut avoir qu'une fois, qu'elle avait connu, qu'elle n'oublierait jamais et qu'elle ne retrouverait plus, non. Autrement, mais sincèrement. De nouveaux aspects de la vie se révélaient encore à elle et elle était heureuse du contentement de sa conscience. Massimo, dans cette existence nouvelle, trouvait un calme inconnu jusqu'alors. Il ne se souciait pas plus de ce qui se passait à 10 lieues de la Villa del Giglio que des intrigues de la cour de Chine. D'un coup, il avait perdu toutes ses anciennes habitudes, il ne trouvait plus de charme dans la vie agitée, il n'était plus joueur. Cette solitude à deux, qui lui semblait la seule vie possible, était rarement interrompue par quelques visites d'amis. Paolo Goffredi et la comtesse seule venaient assez régulièrement. Lady Thompson elle-même, poussée surtout par son insatiable curiosité, vint une fois avec ses intimes. Ils étaient 14 et arrivèrent en 4 voitures, dont un stagecoach avec des chevaux magnifiques et un grand étalage de toilettes printanières. L'été s'avança. De Florence et des villas environnantes, tout le monde s'en alla au bain de mer, en Suisse, en voyage. Les d'Astorre, eux, ne bougèrent pas, au grand étonnement des curieux. Il faisait une chaleur torride. Dans le jardin, l'herbe des pelouses, presque brûlée, jaunissait, et un poudroiement lumineux enveloppait le paysage, tandis que le ciel, chauffé à blanc, était rayé çà et là de grandes bandes dorées. Mais on n'en goûtait que mieux la fraîcheur de le vestibule, où un jet d'eau s'éparpillait dans une vasque en forme de coquille. La pénombre des salles, où les stores baissés, le sol à la vénitienne pavé de mosaïques et les hauts plafonds voûtés entretenaient une fraîcheur connue seulement dans les pays chauds. Sur les longs canapés couverts de cuir noir, les robes de mousseline d'Élisa mettaient une touche claire et Massimo, à son côté occupé à l'éventer avec un grand éventail, trouvait qu'il était parfaitement inutile non seulement de partir, mais même de changer de place. Il songeait parfois qu'à ce même moment, les chambres d'hôtel, étroites et incommodes, étaient tout occupées, que les ambitieux couraient après le but de leur ambition, que des gens suivaient des femmes dans la rue, que dans les théâtres on applaudissait des danseuses visiblement mourantes de chaleur, qu'au club on s'asseyait autour d'un tapis vert, et cela l'étonnait. En septembre, ils durent cependant se permettre une courte absence, car depuis longtemps Elisa avait promis une visite à ses parents et à la marquise Arambelli, et on ne pouvait plus y différer. Ce fut avec une émotion différente qu'ils revirent la villa Arambelli, et leur bonne tante, si heureuse de constater le changement qui s'était accompli chez son neveu, et de revoir sa chère Elisa, devenue si belle et qui méritait plus que personne son bonheur. Monsieur et Madame Valenti vinrent aussi à la villa les rejoindre. Le père, malgré sa légèreté, aimant toujours sa fille tendrement, et la mère adorant sa chère marquise. Ils reconduisirent leur fille en Toscane et passèrent 3 semaines à la villa del Giglio. Massimo choisit ce moment pour avoir du monde, mais en même temps que Monsieur et Madame Valenti, les invités partirent et la solitude se fit de nouveau autour du couple. À Florence, on accusait d'Astorre de misanthropie. Les domestiques eux-mêmes, à la villa, s'étonnaient du changement survenu dans la vie des maîtres et de l'obstination du marquis de rester à la campagne. Ils en causaient longuement à l'office. Cela les ennuyait. Nombreux, désœuvrés, ils trouvaient que si cela continuait, la place ne vaudrait plus rien. Le luxe de la maison paraissait en effet un peu déplacé pour cette lune de miel tardive et prolongée. À l'écurie, les chevaux engraissaient, car on ne s'en servait presque jamais, et les cochers ne se souciaient que rarement de les sortir dans ce pays sans cabaret, si ce n'était pour pousser jusqu'à la ville. La camériste n'avait plus à préparer des toilettes de soirée. Les domestiques en petite livrée, couchés de tout leur long sur des chaises à l'office, n'étaient plus réveillés par la sonnette de l'antichambre et le petit page anglais, joli coquin de 19 ans qui en paraissait 8, était réduit à poursuivre les 2 grosses servantes. Quant à Antonio, le fidèle valet de chambre de monsieur, on ne lui donnait plus la moindre commission délicate à exécuter, ni le moindre billet à porter. Seulement parfois, le matin, le marquis et la marquise montaient à cheval. Ils ne voulaient pas de groom, mais s'en allaient au pas, par la route poudreuse, qu'ils quittaient bientôt pour d'étroits chemins où les chevaux avaient peine à marcher de front. Les arbres rares ne faisaient pas assez d'ombre, mais à cette heure matinale, le soleil d'automne ne donnait qu'une bonne chaleur. Puis on traversait quelques hameaux où les enfants à moitié nus se roulaient dans la poussière, où les poules effrayées fuyaient devant le trot des chevaux. Sur la porte des pauvres maisons, les paysans venaient voir passer i signori et admiraient la taille svelte d'Elisa, l'épaisseur de son chignon sous le petit chapeau d'homme, la finesse de ses traits estompés par le voile. Il remarquait comme le marquis se tenait bien en selle et calculait le prix des 2 magnifiques bêtes. Rarement on voyait luire un éclair d'envie dans l'œil de ces braves gens, et le salut qu'ils adressaient au padroni était respectueux et en même temps amical, car le peuple en Italie n'a pas de haine au cœur. Il dédaigne souvent, mais ne connaît presque jamais cette envie vicieuse qui conduit à l'exécration. Ses visages hâves, résignés et rusés à la fois, exprimaient surtout la patience. Massimo causait beaucoup et était heureux des réparties d'Elisa, qu'il n'écoutait plus, tout à coup perdu dans la contemplation de sa beauté. Puis il se taisait, rêvant chacun de son côté, et leurs regards se perdaient alors dans ce ciel vaste qui s'étendait devant eux, d'un azur très pâle et chaud cependant, jusqu'au contour vague des montagnes perdues dans la brume de l'horizon, une brume tiède, toute méridionale, et pour laquelle il faudrait inventer un nouveau nom. Toutes sortes de bruits indistincts animaient le paysage, des cloches lointaines, mais dont on ne perdait pas une seule vibration à travers l'air pur, de grandes charrettes qu'on entendait rouler pesamment, bien avant de les voir apparaître, avec leur cheval orné de glands rouges, conduit par un paysan dont le chapeau de paille abritait un visage couleur d'acajou, et qui, couché à plat ventre sur le fond, sommeillait à demi en chantonnant un stornello. D'un côté, des collines se réunissaient par des pentes douces, et un peu plus loin, on apercevait en longueur la belle ville riante dans son jardin verdoyant et fleuri, la ligne élégante des Lungarni et la silhouette fière et familière du Palazzo Vecchio. Ils rentraient pour déjeuner. Dans la salle à manger, vaste et gaie, la table était mise. couverte de tout ce qu'on peut imaginer de plus délicat, de fruits superbes mêlés à des fleurs dans de grandes jattes. La journée passait toujours avec une rapidité dont ils s'étonnaient eux-mêmes. Massimo trouvait difficilement le temps pour s'occuper un peu de ses affaires, que cependant il prétendait diriger maintenant, et était furieux lorsqu'il devait s'absenter. Elisa lisait encore, mais bien moins qu'autrefois, et malgré cela, elle n'avait que très rarement de ces longues rêveries qui font passer les heures inaperçues. Parfois, son mari la préoccupait. Elle ne comprenait encore qu'à moitié. Comment s'expliquer, entre autres choses, ce changement radical? Et pourquoi avait-il été amoureux d'elle tout à coup à ce bal du baron de K? Pourquoi, jusqu'à ce jour mémorable, l'avait-il toujours regardée avec indifférence, malgré son affection? Et comment pouvait-on expliquer que d'un caprice, chose incompréhensible pour elle, naquit un amour aussi profond? Que pouvait-il admirer en elle à ce point? Combien étrange avait dû être le passé de cet homme, que de pensées qu'elle ignorerait toujours avaient dû germer dans sa tête, que de différences intimes entre eux malgré tout. Et quel changement dans sa vie à elle? Qui aurait pu le prévoir 2 jours avant cette nuit durant laquelle Massimo l'avait remarqué? Sa seule certitude était qu'elle avait raison de faire tout son possible pour l'aimer, que là était son devoir et le but nécessaire de son existence. Sa vie, qu'elle avait crue finie, commençait de nouveau. L'Elisa d'autrefois, vivant sourdement à l'insu du monde qui la croyait une autre, était morte maintenant en un certain sens, tandis que la marquise d'Astorre, devenue une personne réelle, était la femme de Massimo, devait l'aimer, l'aimait déjà. Ils passèrent l'hiver à Florence, où Massimo s'amusa à restaurer le vieux palais avec un goût exquis, mais ne faisant rien sans consulter sa femme. Ils reçurent un peu, mais allèrent le moins possible chez les autres. Personne ne s'avisa plus de faire la cour à Madame d'Astorre, et on essaya en vain d'en dire du mal. La santé de Massimo s'étant un peu altérée, pour la première fois de sa vie, car il avait une constitution de fer, et les médecins ayant déclaré qu'en été il faudrait penser à une cure, ils en profitèrent pour retourner à la Villa del Giglio à peine l'hiver fini.